Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 139. Du don de force. La force est un don. Béatitude qui lui correspond. 1. La force est-elle un don? Isaïe 11 range la force au nombre des dons. La force est à la fois une vertu et un don. Comme fermeté nécessaire pour faire le bien et supporter le mal, malgré les obstacles qui s'y opposent, elle est une vertu. En tant qu'elle donne à l'âme, dans les dangers de mort où elle est nécessaire, la confiance d'arriver à la vie éternelle, confiance qui exclut toute crainte, elle est un don du Saint-Esprit. Pour une telle disposition de l'âme, qui surpasse de si haut les forces de la nature, il faut une assistance spéciale de l'Esprit divin. 2. La quatrième béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, correspond-elle au don de force? La force, selon la remarque de saint Augustin, convient à ceux qui ont faim et soif de la justice, car pour jouir des vrais biens en s'éloignant de l'amour des biens terrestres et corporels, il faut un travail plein de courage. Il est certain que, pour accomplir les œuvres appelées communément œuvres de justice, et surtout pour les faire avec une sorte de désir insatiable, signifié par la faim et la soif, le don de force est nécessaire. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.